watching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Réunion première, 10h, France Info. Il est 8h. Bonjour Vianney Smarovski. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Deux nouvelles médailles pour les Bleus à Rio la nuit dernière, du bronze pour Christophe Lemaître et de l'argent pour Kevin Mayer au décathlon. Ça fait près de 70 ans que la France n'avait pas décroché de médaille olympique dans cette discipline, c'est ce que nous verrons. Dans ce journal, nous entendrons un photoreporter franco-syrien. Il ne pense pas qu'une photo puisse aider le peuple syrien. Il réagit à la nouvelle photo d'un enfant de 5 ans après un bombardement à Alep. Nous entendrons aussi un représentant de la Ligue des droits de l'homme. Il nous expliquera pourquoi la LDH a décidé d'attaquer systématiquement les mairies qui prennent des arrêtés anti Burkini. Et puis nous irons en Espagne où la solution est peut-être là. Après 8 mois de crise politique, un nouveau gouvernement pourrait voir le jour, mais tout n'est pas fait. C'est ce que nous verrons dans un instant. Et dans un quart d'heure, la grande édition du journal des Jeux Olympiques sur France Info. France Info. Vianney Smiarovski. Mais d'abord, cette information qui nous vient de France Bleu, La Rochelle. 1500 personnes ont été évacuées en pleine nuit d'un camping sur l'île d'Oléron en Charente-Maritime, le camping de Signol à Boyarville sur la commune de Saint-Georges-d'Oléron. Le feu serait parti d'un mobil-home avant de se propager au reste du camping. On déplore ce matin 4 blessés légers, un pompier ainsi que 2 adultes et une petite fille de 5 ans. L'incendie est à présent éteint, mais les dégâts sont importants. On y revient dans le journal de 8h30. Deux nouvelles médailles la nuit dernière pour les Bleus au JO de Rio et elles nous viennent de l'athlétisme. Christophe Lemaître décroche le bronze aux 200 mètres et Kevin Mayer, lui, s'est offert la médaille d'argent au décathlon avec un record de France à la clé. Première récompense olympique pour la France dans la discipline depuis 1948. Ça fait donc près de 70 ans et à 24 ans, le décathlonien entre dans une nouvelle dimension. Vincent Pellegrini. Il y a des athlètes que l'on voit venir de loin à la trajectoire rectiligne irrégulière. Kevin Mayer en fait partie. Champion du monde cadet et junior, il portait ce statut de grand espoir. À Rio, il a confirmé avec éclat tout son potentiel. Il a inquiété jusqu'à la dernière épreuve, le 1500 mètres, le maître incontesté de la discipline, l'américain Ashton Eaton. La ligne d'arrivée franchie, Kevin Mayer a eu du mal à retrouver ses esprits. Je réalisais pas ce que j'avais fait à l'arrivée. J'étais tellement fatigué du 1500 mètres que je savais plus où j'étais. Et c'est quand j'ai vu mes 3 frères en larmes, qui n'arrivaient pas à me regarder sans pleurer, que je me suis rendu compte de l'énormité de la médaille que je venais d'avoir et toutes les émotions sont montées. Si on n'a pas un entourage comme j'ai un entourage, ça ne vaut pas le mérite de faire une médaille d'argent parce qu'on ne peut pas le partager après. L'autre Français engagé dans ce décathlon, Bastien Ozeil, 13e au classement final, était comme tout le monde impressionné par la performance de son coéquipier, mais pas surpris. Il apprend très vite, c'est une éponge, il emmagasine tout. Et puis après, dans les grands moments, il sait se transcender comme personne ne sait le faire. On l'a vu aujourd'hui, exceptionnel, quoi. Je veux dire, c'est Kevin. Kevin Mayer n'a que 24 ans, sa marge de progression semble importante. Cette médaille d'argent olympique n'est peut-être que le début d'une grande aventure sportive. Rio, Vincent Pellegrini, France Info. Et au total, la France comptabilise 34 médailles olympiques, la qualification des handballeuses en finale, l'élimination des basketteuses en demi-finale, les nouvelles chances de médailles, tout ça, eh bien c'est à retrouver juste après ce journal dans le journal des sports de Fabrice, des JO, de Fabrice Abgral. Et puis, ces Jeux de Rio ne sont pas épargnés par le dopage. 5 nouveaux cas ont été révélés, un Kirghize et un Moldave ont même perdu leurs médailles. Il y a aussi des sportifs brésiliens, chinois et indiens, ils ont été exclus par le tribunal arbitral du sport. C'est une image qui a fait le tour du monde. Nouveau symbole de la guerre en Syrie, la photo d'un enfant de 5 ans, Omran, assis en silence dans une ambulance, le visage recouvert de sang et de poussière après un bombardement à Alep. L'Union européenne réclame l'arrêt immédiat des combats dans cette ville au nord de la Syrie. La Russie s'est dite prête hier à observer une pause humanitaire 2 jours par semaine. Et Amar Abrabo, lui, est photojournaliste franco-syrien. Il ne croit pas qu'une photo ou une vidéo puisse inciter la communauté internationale à aider le peuple syrien. Cette photo est forte parce qu'elle est surréaliste. Il est au fond de l'ambulance, il y a autour de lui cet équipement orange. Lui-même est assez beau, voire très beau. Il est dans une position qu'on ne voit pas d'habitude. Soit on voit des enfants morts et les gens détournent le regard parce qu'ils ne veulent pas voir cette réalité. Soit on va voir des enfants qui jouent, des enfants heureux. Et lui, il est vraiment à mi-chemin. Il n'est pas mort, mais on se demande vraiment quelle vie il aura. C'est pour ça qu'elle nous choque, c'est pour ça qu'elle nous interpelle. C'est pour ça que des gens peuvent la communiquer, la partager et être émus, être révoltés. C'est le conflit le plus photographié de l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu autant de photos et autant d'images vidéo. Et pourtant, c'est le grand trou noir de l'humanité, de la politique. On ne veut pas voir ce qui s'y passe, on se ment. C'est très gênant. Là, on a la chance d'avoir, enfin, ça me fait mal de dire la chance, mais c'est quelque part aussi ça. On a cette image qui vient nous interpeller, qui vient nous gifler, qui vient nous dire, voilà ce qui se passe. Cessez de vous mentir. La Syrie, ce n'est pas Daesh, la Syrie, ce n'est pas Bachar. La Syrie, c'est ce petit enfant de 5 ans qui mérite d'être ailleurs qu'au fond d'une ambulance, couvert de poussière et de sang. Amar Abrabo est photojournaliste franco-syrien. Médecins sans frontières assure que c'est la seule solution. MSF a évacué son personnel dans 6 hôpitaux au Yémen. Une décision prise par l'ONG suite à un bombardement contre une structure qu'elle soutenait où 19 personnes sont mortes et 24 autres ont été blessées. Selon MSF, c'est le 4e hôpital bombardé dans le pays depuis un an et demi. France Info, il est 8h05. Dans l'actualité aussi, ce procès reporté à Bastia hier. Il aura finalement lieu le 15 septembre prochain. Hier, 5 personnes devaient passer en comparution immédiate pour leur implication présumée dans la bagarre de Cisco samedi dernier. Les 2 hommes du village corse sont ressortis libres sous contrôle judiciaire, tout comme 2 frères de la famille marocaine. Le 3e est toujours en détention provisoire. Ils ne laisseront rien passer. La Ligue des droits de l'homme et le collectif contre l'islamophobie attaqueront systématiquement les maires qui prennent des arrêtés contre le port du burkini. Ce matin, le tribunal administratif de Nice doit examiner le recours déposé par la Ligue des droits de l'homme au sujet de l'arrêté anti-burkini pris par la ville de Villeneuve-Loubet. Les maires doivent concilier l'exercice de leur pouvoir de police avec le respect des libertés. C'est ce que pense Michel Toubiana, le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Nous espérons cette fois être entendus par le tribunal administratif face à une décision du maire que nous continuons à considérer comme d'abord totalement illégale, attentatoire aux libertés individuelles et qui en plus favorise considérablement la stigmatisation de toute une catégorie de la population. La règle, c'est la liberté. La liberté, c'est jusqu'à preuve du contraire s'habiller comme l'on veut. Malheureusement, quand je vois l'intervention du Premier ministre qui cautionne ces arrêtés, je me dis que notre intervention est encore plus nécessaire. C'est pourquoi nous interviendrons systématiquement, jusqu'au bout, c'est-à-dire si nécessaire, jusqu'au Conseil d'État, contre tous les arrêtés. Les magistrats sont des hommes et des femmes comme vous et moi, donc ils ne sont pas étanches à tout ce qui se passe à l'extérieur. En même temps, c'est la grandeur du métier de magistrat de s'extraire de ses contingences pour dire le droit. Michel Toubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. C'est un pacte crucial pour Mariano Rajoy. Après 8 mois de crise politique en Espagne, le chef du gouvernement sortant doit signer un pacte anti-corruption ce matin. Le but est d'obtenir le soutien des centristes de Ciudadanos afin de former un gouvernement. Mariano Rajoy demandera l'investiture du Parlement à la fin du mois, mais pour la majorité absolue, le compte n'y est toujours pas, Mathieu de Taillac. L'Espagne a désormais une date. À partir du 30 août, Mariano Rajoy tentera de convaincre les députés de l'investir président du gouvernement. La date a été fixée après que Rajoy s'est rapproché des centristes de Ciudadanos. Le chef du Parti Populaire du PP a accepté hier les conditions que demandait Ciudadanos pour débuter les négociations. Il signera ce matin un pacte anticorruption et dès cet après-midi, les équipes des deux partis négocieront un pacte d'investiture. Entre les 137 députés du PP et les 32 de Ciudadanos, le compte n'y est pas. La droite fait pression sur les socialistes. Avec désormais un nouvel argument, si personne n'est investi à la tête du gouvernement fin octobre, de nouvelles élections seront automatiquement convoquées pour le 25 décembre. Il n'est pas dit que les électeurs pardonnent à leur politique de les déranger le jour de Noël. Madrid, Mathieu de Taillac. France Info. La Californie est toujours en proie aux flammes. Blue Cut, le gigantesque incendie près de Los Angeles, est toujours incontrôlable. Il a déjà ravagé plus de 12 000 hectares de forêt en un peu plus de 48 heures. Et seulement 4% du feu est maîtrisé par les pompiers. De l'autre côté de l'océan Pacifique, en Corée du Sud, c'est la canicule qui affole le pays. Une vague de chaleur sans précédent. À Séoul, les températures enregistrées ce mois-ci sont les plus élevées depuis plus d'un siècle. Les climatisations tournent à fond. Et du coup, la consommation d'électricité atteint des sommets. Les factures des explose Frédéric Orjadas et ça provoque une polémique sur le système de tarification. Décès et hospitalisations dus à la chaleur, nombre anormal d'oiseaux et de poissons retrouvés morts dans les campagnes, la canicule fait des ravages en Corée du Sud. Pour se rafraîchir, les Coréens font tourner nuit et jour leurs climatiseurs. La consommation d'électricité bat chaque jour de nouveaux records. Pour la première fois, elle est plus élevée en été qu'en hiver. Or, la Corée du Sud possède un système de tarification controversé, créé il y a 40 ans pour favoriser les entreprises aux dépens des particuliers. Plus un foyer consomme d'électricité et plus le prix du kilowatt augmente jusqu'à être multiplié par 12. Conséquence, des factures astronomiques cet été. Face à la gronde d'une population déchirée entre climatiseurs et porte-monnaie, le gouvernement a promis des réductions de prix temporaires, mais il refuse toute réforme. La priorité reste à l'industrie et aux exportations. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI pour France Info. Et chez nous, Aurélien, bien c'est pas encore la canicule, mais je crois que les températures remontent dans le sud. Hein. On va voir ça dans un petit instant. Merci beaucoup, Vinnie Smirowski. Il est 10h10 sur la première. Bonjour à tous. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Le temps est à l'amélioration et particulièrement dans l'Est. La pluie est tombée hier soir, ailleurs et sur une grande moitié ouest. Le soleil est généreux, idem dans les cirques de Mafate et de Sillaos. Nos pitons qui restent au soleil pour une bonne partie de la journée. Et puis au cours de l'après-midi, le temps deviendra nuageux dans les plaines et dans les cirques. Du côté des plages, nuages et éclaircies alterneront dans le ciel. Quel temps il fait sur les hauteurs de Saint-Louis? Jimmy Desmac est avec nous. Bonjour Jimmy. Bonjour Claude. Ah, tu vois ton bulletin de météo, il faut faire l'inverse. Non, l'inverse. Alors attendez, je vais passer un petit coup. Ah, bah, attendez Jimmy, je vais passer un petit coup de fil au prévisionniste de Météo France alors. Alors l'inverse. C'est l'inverse. Expliquez-nous, voilà, expliquez-nous. Voilà, c'est nuageux, gris même, et frais. Il fait 16 degrés. Donc il y a moins de soleil que d'habitude. À 10h10, il fait 16 degrés sur les Macs. Oui, c'est frais. C'est encore un peu frais. Ça motive pas pour sortir du tout, ça. Non, c'est gris, voilà. Donc ça change par rapport aux autres jours. Mais vous êtes dans un merveilleux village. Voilà, vous êtes dans un très très beau village de Saint-Louis-les-Macs. Voilà. Voilà. Donc, on va venir visiter quand même. Avec un bon café chaud. Exact. Merci Jimmy, bonne journée. Il n'y a pas de quoi, très bonne journée. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Hier à Deauville, dans la troisième, il vous fallait jouer le 16, le 3, le 2, le 5 et le 10. 16, 3, 2, 5, 10. Aujourd'hui, vendredi, sur l'hippodrome de Cabourg, dans la première course, pour le prix des quarts d'amine, le montant de la tirelire, 3 850 000 euros. Voici les pronostics de Pascal Maillot, le 11, le 14, le 13, 10, 12, le 8, le 6 et le 9. 11, 14, 13, 10, 12, 8, 6, 9 et en cas de non-partant, le 7. Avez-vous entendu parler de l'aide à domicile? Vous êtes souffrante, en situation de handicap, vous êtes malade ou âgé, vous souhaitez bénéficier d'une aide à la maison, une aide pour des tâches ménagères, vous êtes à la recherche d'une personne pour garder vos enfants. Et si vous devenez particulier employeur, connaissez-vous ce statut? Comment faire pour avoir droit au chèque emploi-service? Comment, et là, et c'est très important, recruter la personne? Combien ça coûte? Combien ça coûte dans le porte-monnaie? Quelles sont les démarches à faire? Vous avez d'autres questions pour nos experts de l'aide à domicile? Vous réagissez au standard de la première au 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 70 2000. La lumière, la paix aussi. De la musique locale sur la première avec Mamo. Réunion première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion première. Experts de l'aide à domicile sur la première, vos réactions au 02 62 99 2000. On en parle avec Anne-Sophie Deuchet de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs. Bonjour. Bonjour Claude. Merci d'être avec nous ce matin. À Marc Sarry de Proxime Service. Bonjour. Bonjour Claude. Et merci vraiment d'être là pour les auditeurs de la première. C'est que ce sujet suscite énormément de réactions. On reçoit depuis hier soir, donc via les réseaux sociaux, des messages de personnes. Je retiens notamment celui de Nadège qui dit « Indispensable pour les personnes âgées, l'aide à domicile, les personnes en situation de handicap, les personnes isolées. L'aide à domicile, c'est aussi la confidente, la personne de confiance, le bon conseil de toutes ces personnes qui bien souvent ont besoin d'une présence. L'aide à domicile ne s'occupe pas que de la maison, elle accompagne aussi dans tous les domaines de vie. Vous êtes d'accord avec ce message de Nadège à Marc Sarry? Oui, Nadège a parfaitement résumé l'aide à domicile, l'emploi à domicile. Il est vrai qu'au-delà de l'action, on va dire, matérielle auprès des personnes âgées, personnes vulnérables, il y a tout le volet humain, social qui est mené par ces aidants, qui permet justement à ces personnes d'aller dans une relation de confiance et par la même, ralentir, éviter l'exclusion. Il y a un réel besoin ici pour le département. Sur le département de la Réunion. De la Réunion, hein. Oui, bien sûr. Sur le département de la Réunion, on relève environ 47 000 bénéficiaires. 47 000 bénéficiaires de l'aide à domicile. Sachant que, et Anne-Sophie me le dira très bien, que beaucoup de ces bénéficiaires sont des employeurs directs. Donc ça peut être des grands-mères, vos grands-mères, qui emploient directement une tierce personne pour venir en aide dans leur quotidien. Concernant les services d'aide à domicile, donc les structures comme la nôtre, Proxime Service, on est plutôt dans des tranches de 10 000 clients, c'est ou bénéficiaires. C'est non, oui. Voilà. Donc pour répondre très concrètement à votre demande, oui, il y a une forte demande à La Réunion et cette demande va être crescendo car notre population vieillissante va aller de plus en plus vers des demandes et des besoins et des infrastructures correspondantes à ces besoins-là. Population vieillissante. Oui. Oui, c'est ça. Donc oui. On aura forcément besoin de quelqu'un à la maison. Vous êtes d'accord, Anne-Sophie Dechet de la FEPEM? Oui, je suis complètement d'accord. Effectivement, la population est vieillissante. Et il faut penser aussi aux particuliers employeurs qui sont actifs, qui ont le souhait de concilier leur vie professionnelle et personnelle en embauchant une garde d'enfants à leur domicile, une assistante maternelle agréée, ou quelqu'un qui peut assurer l'entretien de la case, bricolage, le petit jardinage. C'est plus d'une vingtaine d'emplois à domicile qui existent. Donc, c'est utile pour tous. Alors, Dédé, notamment, qui nous laisse sa question, quelles sont les conditions pour obtenir de l'aide, le nombre d'heures par jour, le tarif aussi pour la personne âgée, et combien de temps ça peut durer? On peut répondre à la question précise de notre auditrice, Dédé? Alors, si vous me permettez... Allez-y, Marcel. Pour obtenir de l'aide, tout dépend bien sûr des caractéristiques de la personne. Elle pourra solliciter de l'aide auprès du conseil départemental dans le cadre de l'allocation personnalisée à l'autonomie, si cette personne a 60 ans et plus, bien entendu. Elle peut aussi solliciter auprès de la caisse de sécurité sociale une aide à domicile, hein, tout dépend si elle est affiliée et retraitée auprès de cette caisse. Elle peut aussi solliciter sa mutuelle ou ses assurances pour bénéficier d'une intervention à domicile. Tout dépend de la configuration et des caractéristiques de cette personne. Les montants sont fixés par ces mêmes institutions, donc ils sont en fonction du nombre d'heures. Et ce qui est important de signaler, c'est que chaque institution va évaluer le besoin réel de la personne demandeuse, donc déterminer un volume horaire. D'accord. Et en ce sens, va déterminer l'aide financière qui lui sera attribuée. Et grâce à cette aide financière, effectivement, toute personne pourra solliciter une structure d'aide à domicile ou faire un recrutement en direct dans le cas d'un particulier employeur. Les gens sont bien au courant de leurs droits, Anne-Sophie Dechet. Mais nous sommes là justement aujourd'hui pour continuer de les informer. C'est important, au mieux. Mais parfois j'ai l'impression que oui, il y a une méconnaissance. Et ça, on le dit souvent dans l'émission Les Experts. Méconnaissance des droits. Oui. Petit à petit, les personnes connaissent un peu mieux leurs droits. Donc, ils peuvent se renseigner auprès de leur CCAS, donc de leur commune. Ils savent où aller déjà. C'est ça qui est... Spontanément, je crois que les personnes s'orientent facilement vers leurs centres communaux d'action sociale. Oui. J'ajouterai tout à l'heure, Monsieur Sarri, pour les partenaires qui peuvent aider, il y a aussi la caisse de retraite complémentaire qui aide quand même beaucoup les aidants familiaux. Oui, oui. Pour l'information, il y a la FEPEM depuis 6 ans. La Fédération des particuliers employeurs qui a créé un dispositif qui s'appelle Relais Particulier Emploi et qui est ouvert à tout le monde, pas qu'aux particuliers employeurs ou aux futurs particuliers employeurs. C'est aussi ouvert aux salariés et futurs salariés du secteur pour avoir un bon premier niveau d'information. On reviendra tout à l'heure sur le statut de particulier employeur. Alors, le standard est à votre disposition sur la première. Vous composez le 02 62 99 2000. Nous sommes sur l'aide à domicile. C'est très important. Dites-nous si vous avez besoin d'une personne à la maison et comment recruter la personne. Donc, une bonne personne qui pourrait faire les tâches ménagères, les petits travaux, la cuisine, qui peut aussi s'occuper de la personne en situation de handicap. C'est très important. Et si vous devenez particulier employeur, les démarches à faire. Notamment, on peut parler aussi des droits chèque emploi, notamment si vous avez droit au chèque emploi service, combien ça coûte. Donc, on est là pour répondre à toutes les questions sur la première 02 62 99 2000. Et vous pouvez aussi réagir par SMS au 06 92 70 2000. Les experts de l'aide à domicile sont sur la première. Promise not to leave, I said I'll never disappear. She knows I'll come back someday. Crying in the bathroom as the mirror disappears, holding on to fading moments. Oh, mama, I think I did it again. I got lost in the wind again. Oh, mama, I think I did it again. I got lost in the wind again. No one ever leave you. Heartless, heartless, never leave. cris de détresse que peuvent cacher mes soupirs disparaissent devant ton sourire. Oh mama, parfois le vent m'emmène, m'égarer aussitôt me ramène. Oh mama, de toutes les âmes que j'aime, mon cœur bat toujours plus pour la même. Yeah, yeah. Sur ma vie, je t'en fais la promesse. Jamais rien qui te blesse, te blesse. Jamais, jamais, jamais, jamais. Je t'en fais la promesse, je t'en fais la promesse. Non, non, non, non, non, non. Je ne ferai jamais rien qui te blesse, te blesse. Oh non, sur ma vie, je t'en fais la promesse. Natira qui nous remercie vraiment de mettre en place cette émission sur l'aide à domicile et puis surtout au regard du vieillissement de la population. Merci de mettre également un zoom, nous dit Natira, sur les métiers du grand âge et des services à la personne qui sont et seront les emplois d'aujourd'hui et à venir. On en parle sur la première. L'aide à domicile. Daniel de la possession. Alors, c'est Jean-Yves ou c'est Daniel? Allô? Oui, c'est Jean-Yves. On m'avait dit que Daniel passait avant. Allô? Oui, allez-y, Jean-Yves. Alors, j'ai pas trop compris, oui. Oui, parce que le standard m'avait dit que c'était Daniel qui passait avant. Ah, d'accord. Donc, Daniel, oui, alors, j'avais Daniel et c'est Jean-Yves de la possession de Sainte-Thérèse. Très bien, on va essayer de rappeler Daniel, alors. Oui, allez-y, Jean-Yves, allez-y. Alors, je vous présente donc nos experts de l'aide à domicile. C'est Anne-Sophie Deuchet de la FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs. Je ne sais pas si vous connaissez la FEPEM. Et puis, il y a Amar Sari de Proxime Service. Oui, ben bonjour, Réunion Première. Bonjour à tous les invités. Bonjour. Bonjour. Les auditeurs de Réunion Première. J'ai la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'est une maladie neuromusculaire invalidante. Oui. J'ai été amputé de la jambe droite. Et la deuxième jambe se dégrade et bientôt on va m'amputer la deuxième jambe. Je voulais savoir quel type d'aide à domicile que je pourrais avoir. Parce que pour la première amputation, j'ai eu une aide pendant 6 mois. C'était l'ex-société Arras. Hein. 2 heures par semaine, puisque j'étais affaibli, c'était pour m'aider, en attendant que j'avais la prothèse, dans mes tâches quotidiennes. Et d'accord. Avec la deuxième amputation, ce sera différent. Je ne serai plus souvent en fauteuil roulant, puisque là, avec la prothèse, je suis encore en mobilité réduite. Et je voulais savoir quel type de prestations je pourrais prétendre, et le nombre d'heures, puisque la dernière fois, c'était 2 fois 2 heures par semaine, et je participais à hauteur de 3 quelques euros par heure. Ouais. Votre question est très très importante, Jean-Yves, parce que vous êtes en situation de handicap, hein, c'est ça. Et donc, alors oui, pour répondre à notre auditeur, Jean-Yves, Anne-Sophie Deuchet. Oui, bonjour Jean-Yves. Vous pouvez. Est-ce que vous avez appelé la MDPH, la Maison des personnes en situation de handicap? Il y a plusieurs mois de cela, parce que j'étais en contact, hein, parce que je suis suivi également par Sophia. Là. Et on m'avait dit à l'époque, c'est-à-dire, on m'a pas reconnu comme handicapé. C'est-à-dire, j'étais convoqué là, à Saint-Paul dans l'antenne du Conseil général. Oui. Et on m'avait dit, étant donné que l'amputation est juste en dessous du genou, l'amputation de la droite que j'ai, oui, je suis pas reconnu handicapé, mais à mobilité réduite. Parce qu'on m'a classé de 50 à 79 le handicap. Donc, je n'ai pas droit à la carte d'invalidité. D'accord. Donc là, cette fois-ci, la deuxième amputation, on m'a dit je serai reconnu handicapé. Et dans ce cadre-là, il faut que j'ai la reconnaissance handicapée pour ensuite prétendre à tout ce qui est relatif au handicapé. Donc là, comme l'amputation va se faire dans les 4-5 mois ou plus tard. Là. D'accord. Ouais. Parce que la jambe se dégrade, parce qu'il n'y a plus de peau sur la jambe. Et c'est là que vous aurez vraiment besoin d'une aide à domicile, c'est surtout ça. Ouais. Voilà, je me renseigne un petit peu avant les séances pour voir comment ça pourrait éventuellement se passer. Quoi. Donc effectivement, ce sont les médecins qui vont déterminer le taux de handicap. Hein, vous allez pouvoir bénéficier avec un taux de handicap de plus de 80%, très certainement à ce qu'on appelle la PCH, la prestation de compensation du handicap, qui va vous permettre, cette allocation, d'embaucher une aide à domicile. Très certainement une assistante de vie, dépendance, qui va vous accompagner dans les actes de la vie quotidienne. Je ne peux pas vous indiquer le nombre d'heures qui vous sera déterminé et le montant. Ce seront certainement donc les partenaires institutionnels et notamment la MDPH qui déterminera cela. Okay. Jean-Yves, je vous remercie. Merci à vous. Merci Jean-Yves. Et puis on reviendra vers vous évidemment donc pour savoir si votre dossier a un peu avancé. Et j'avais une question notamment d'un auditeur qui disait, et c'est très important aussi cette question parce que j'ai l'impression qu'elle revient très souvent, est-ce qu'un membre de la famille pourrait bénéficier de l'APA pour ses parents? Donc c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Oui, tout à fait. Une personne de la famille peut être salarié, aidant familial, professionnel. À partir du moment où on fait la demande auprès de l'aide sociale aux adultes, les services qui sont gérés par le Conseil général, donc une nièce, une fille peut s'occuper de son parent l'accompagner dans les actes de la vie quotidienne et être partiellement salarié d'un particulier employeur. À Marseille. Alors pour être encore plus clair, effectivement, ce que dit Anne-Sophie tout à fait juste. Et par rapport à la question qui est posée, il faut savoir que l'APA donc est versée à la personne dépendante. Hein. Donc c'est bien donc le parent, et c'est donc le parent qui devient l'employeur de sa fille, de son enfant, de ses petits-enfants si elle le souhaite. Il faut bien savoir que l'aide est versée à l'employeur qui est la personne dépendante. Et effectivement ensuite, il n'y a aucun souci, la législation permet de recruter un membre de la famille pour pouvoir s'occuper de soi. Les experts, vous allez répondre à toutes les réactions que nous avons, et notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi par SMS au 06 92 70 2000. L'aide à domicile, on en parle sur la première avec nos experts. Est-ce que vous avez entendu parler de cette aide à domicile? Vous êtes souffrante, en situation de handicap, vous avez entendu le cas de Jean-Yves de la possession tout à l'heure. Vous êtes malade peut-être, ou vous souhaitez bénéficier d'une aide à la maison, une aide pour des tâches ménagères. 02 62 99 2000, on en parle avec Anne-Sophie Dauchet de la FEPEM, Fédération des Particuliers Employeurs, et puis Amar Sari de Proxim Service. 02 62 99 2000. Les experts sur la première. Tout le gang était là. Ceux de Porto Rico, ceux de Cuba, les macros de Harlem, les revendeurs de coke ou de coca, ceux qui vivent au soleil, avec des femmes blanches dans les villas, et ceux qui mangent pas, ça fait comme des nababs à l'opéra. La voilà. C'est une latine de Manhattan, de la résine de Macadam, un coup de fouet de haut en bas qui te soulève, c'est la salsa. C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem, les reins cambrés au bon endroit. Elle est superbe, c'est la salsa. Une sauce mélo de te quiero mucho et de cafard. Une sauce mêla, c'est le Chris qui te saigne pour 20$. Une sauce mêlée de beauté, de souplesse et de conga. Une sauce lamée comme la peau de la fille qui danse pour moi. La salsa. C'est une latine de Manhattan, de la résine de macadam, un coup de fouet de haut en bas qui te soulève, c'est la salsa. C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem, les reins cambrés au bon endroit. Elle est superbe, c'est la salsa. cabaret, faut. Je la garde serrée contre mon cœur, malgré la mort qui rôde. Chuchote en quelque chose à son chauffeur, y'en a marre des palaces. Elle s'en va faire des passes pour le panard, je la suis à la trace, ramassant ses paillettes sur le trottoir. C'est tout l'été de Manhattan. C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem. T'es racombré au bon endroit. Elle est superbe, c'est la salsa. Comment recruter la personne, cette aide à domicile, combien ça coûte, les démarches à faire, on en parle sur la première. Première. Alors c'est Lucie, voilà, de Saint-Luc qui est avec nous au téléphone. Bonjour Lucie. Bonjour Claude. Bonjour, merci d'être avec nous. Les experts de l'aide à domicile sont à votre écoute, Lucie. Oui, voilà, je suis, comme j'ai voyé dans mon texto, mais apparemment vous n'avez pas tout compris, je suis aidante familiale et particulière employeur aussi en même temps. Vous êtes aidante familiale, c'est ça? Oui, d'accord. Et particulière employeur aussi. Particulière employeur, oui. Voilà, je m'occupe de ma maman une fois que j'ai travaillé. Oui. Et je suis particulière employeur parce que j'ai pris quelqu'un pour la garder l'après-midi parce que je travaille tous les jours. Oui, oui. Et voilà, et donc j'avais envoyé un mail à Madame Lawson. Et je sais pas, j'ai pas eu de réponse en fait, parce que voilà, dans le contrat de travail, mon employé ne, il était plus stipulé qu'elle travaille pas pendant les vacances scolaires. Donc le mois de juillet août alors. Juillet, voilà, juillet. Oui, donc mois d'août, une petite partie de d'août. Oui. Et je savais pas s'il fallait faire la déclaration parce que je l'ai fait sur internet. Et donc j'avais pas la réponse. Après, comme dans le message, on me demandait d'appeler la CPM, enfin de contacter la CPM, donc j'ai contacté par mail. On m'a juste répondu qu'il n'y avait pas besoin, enfin, on ne fait pas de zéro heure, ça ne se fait pas. On ne déclare pas zéro heure de travail, s'il n'y en a pas. Mais le fait que, c'est la question, est-ce qu'il fallait faire la déclaration ou pas? Parce qu'elle n'a pas travaillé pendant tout le mois de juillet, et comme il est stipulé dans le contrat, elle ne doit pas travailler pendant les vacances scolaires. Je voulais savoir s'il fallait quand même faire une déclaration, même s'il y avait zéro heure de fait. Donc la personne n'a pas travaillé tout le mois de juillet. Non, elle n'a pas travaillé tout le mois de juillet. Dans son contrat, il est prévu qu'elle ne travaille pas pendant les vacances scolaires, D'accord. Ma fille qui garde maman. Mais je ne savais pas si dans la loi, est-ce qu'il fallait quand même faire une déclaration, même s'il n'y avait pas d'heure de fait pour l'employeur. Pour l'employé, alors, la déclaration, si la personne n'a pas travaillé, alors là, elle prenait le cadre du mois de juillet. Anne-Sophie Dechet de la FEPEM. Oui, bonjour Lucie. Bonjour. Écoutez, à partir du moment où vous avez mis dans le contrat de travail que les périodes non travaillées étaient les vacances scolaires, Vous la déclarez par le biais du chèque emploi service universel, par le CESU? Oui, par le CESU, voilà, c'est ça. D'accord. Donc les congés payés sont inclus dans le taux horaire. Vous vous rappelez de ça, hein? Donc ces congés payés sont payés, puisqu'ils sont intégrés dans le coût horaire rémunéré. Et apparemment, les congés sont pris, puisque vous dites qu'elle prend ses congés. Donc vous vous êtes acquitté de vos obligations. D'accord, donc il n'y avait pas besoin de faire des déclarations. Non, pas du tout. Je ne savais pas s'il fallait cliquer 0-1, même si, voilà, dans ce contrat, c'est vrai que c'est stipulé que pendant les vacances scolaires, elle ne travaille pas, mais moi, en tant qu'employeur, je ne savais pas s'il fallait quand même le faire. Vous avez fait les choses correctement, d'autant que vous avez rédigé un contrat écrit en spécifiant tous ces éléments, donc ne vous inquiétez pas. Ah bon, d'accord, ok. Et puis j'avais envoyé aussi un texto pour parler du dispositif répit-repos. Répit-repos, oui, d'accord. Voilà, qui soulage bien les dents, quoi. C'est vrai. Pour nous éviter d'avoir le burn-out. Pour éviter d'avoir le burn-out. Parce que travailler, s'occuper de quelqu'un, d'une personne handicapée, et puis gérer aussi sa vie à côté, donc c'est pas toujours facile. C'est pas simple, ça, Lucie. Non, c'est pas simple du tout. Je sais bien, il faut tout réfléchir, on n'est jamais dans l'improvisation, il faut toujours, quand on doit sortir, il faut toujours gérer la garde. Ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que vous trouvez toujours les réponses à vos questions? Est-ce que vous savez où aller? Est-ce que vous savez à quelle porte taper? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes bien au courant de tout? C'est grâce à vos émissions, Claude, parce que c'est comme ça que j'ai pu découvrir que j'étais dans familial et j'ai réussi à mettre en place ce dispositif particulier employeur là pour maman. J'ai trouvé toutes les réponses parce que la radio j'ai écouté, puis je me suis renseignée auprès de la FEPEM. Et pareil pour le répit repos, j'ai entendu parler. Ça s'est fait comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres dispositifs où je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, pour cela, ça m'a bien arrangé la vie, quoi. Ça m'a bien aidé. On est très, très content pour vous, Anne-Sophie Deschet. Oui. On pourrait peut-être, Claude, rappeler le numéro du GIPSAP, la maison de l'aide à domicile. C'est important, C'est cette structure qui met en place le répit-repos. Donc, c'est un numéro vert, le 0800 53 00 02. Vous avez aussi un téléphone fixe, 02 62 53 29 59. On rappellera évidemment ces numéros tout au long de l'émission des experts. Merci Lucie, merci à vous. Voilà, merci, au revoir. À très bientôt. Sandra, via la page Facebook, qui dit « J'ai moi-même un diplôme d'auxiliaire de vie, un emploi très demandé, mais les associations veulent nous payer pour un moins que rien. » C'est le sentiment qu'elle a. Donc elle est obligée de rechercher via les petites annonces. Il n'est toujours pas facile à trouver, dommage pour notre compétence. Voilà. Oui, à Marsari. Je voulais simplement revenir sur le fait qu'elle a un diplôme d'auxiliaire de vie, que l'emploi est très très demandé, mais que voilà. Ah, la particularité de l'obtention d'un... La particularité, pardon, Claude, de l'obtention de la qualification d'auxiliaire de vie sociale ne donne pas immédiatement droit à une rémunération correspondante. Les structures, quelles qu'elles soient privées ou... d'ordre public, ont des conventions collectives qu'elles appliquent. Et au respect de ces conventions collectives, effectivement, la rémunération sera correspondante. Effectivement, j'encourage donc Sandra à poursuivre ses efforts dans la recherche d'un emploi correspondant à ses qualifications. Je ne doute pas qu'elle ne trouvera pas, bien au contraire. Mais il faut savoir que chaque structure a des conventions collectives qu'elle doit respecter, qu'il y a des minima de temps à passer dans ces structures en termes d'années de travail pour pouvoir ensuite espérer ou promouvoir qualification. Très bien. Alors, beaucoup nous posent la question, mais qu'est-ce que c'est que ce statut de particulier employeur, Anne-Sophie Deschet? Le particulier employeur, c'est un statut qui est reconnu, c'est vous, c'est moi, qui employons à domicile. C'est une personne physique, pardon, qui emploie quelqu'un pour l'aider, l'accompagner dans les actes de la vie quotidienne, sans but lucratif, qui a besoin d'une personne pour la seconder et l'accompagner au quotidien. Vous pouvez répondre à la question de Véronique. Le conseil départemental n'est pas présent, mais qu'est-ce que conseil départemental prévoit pour les personnes âgées qui sont isolées pour les nuits? Et vous savez, la question sur les nuits, par exemple, ça revient là aussi très souvent. pour les nuits, parce qu'on parle de la journée, mais qu'en est-il des nuits? Alors Claude, pour vous répondre... Marsari. Oui, pour vous répondre, effectivement, le conseil départemental, comme la maison de l'aide à domicile, le GIPSAP, et les structures qui effectuent de l'aide à domicile, quelles qu'elles soient, hein, structures publiques, donc les CCAS, ou des associations comme la nôtre, Proxim Service, ont réfléchi dans la mise en place de gardes itinérantes de nuit, qui est un dispositif justement qui répond aux préoccupations des personnes âgées, qui permettrait notamment de pouvoir intervenir lors du coucher de personnes âgées pour s'assurer que tout se passe très bien à ce moment-là, oui, ouais. Avec une vigilance accrue bien sûr sur les problématiques de cette personne âgée ou handicapée. Donc on est en élaboration de ce dispositif qui, décliné sur l'ensemble du territoire national, marche très très bien. La Réunion est, on va dire, un peu encore à la traîne sur ce dispositif, mais je ne doute pas que le conseil départemental, qui est quand même le moteur de l'aide sociale sur le département, mettra rapidement ce dispositif en place. Pour pallier à cette absence de garde itinérante, hein, je répète, la garde itinérante de nuit n'existe pas concrètement encore, mais pour y pallier à cette difficulté, il faut savoir que toute personne peut demander à ce que les interventions d'aide à domicile puissent intervenir au-delà des 20h, 21h, 22h pour être certain que la personne âgée ne soit pas isolée. Là, je parle des structures de services à la personne. Pour le particulier employeur, c'est encore un autre dispositif concernant les gardes de nuit. Il y a des règles précises à ne pas violer. Voilà. Alors j'ai la réaction de Marie qui dit notamment au 06 92 70 2000, notamment c'est Bernadette à l'ordre de l'étincelle, voilà. Les aides à domicile, parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, sont organisées pour la journée, mais la nuit reste vraiment un problème, puisqu'il n'existe pas la possibilité de demander une journée de répit en EHPAD, donc c'est en structure, hein, pour une personne alitée, par exemple, voilà, c'est la réaction. Là, pour répondre à cette personne qui pose une très très bonne question, effectivement, concernant l'accueil de jour, hein, pour des personnes alitées, effectivement, tout dépend des structures, donc des fondations qui gèrent ce type d'établissement. J'inviterai donc cette personne, moi, à contacter le GIPSAP, qui sera à même d'échanger avec elle sur les dispositifs existants et de lui proposer peut-être une solution dans le cadre du répit repos, hein, qui, vous avez très bien nommé tout à l'heure, est un dispositif départemental qui permet à des aidants familiaux de pouvoir trouver un temps pour soi, hein, pour éviter le burn-out, comme on dit très souvent. Et ce temps pour soi permet, dans ce cadre-là, qu'un professionnel de l'aide sociale, une AVS, puisse intervenir au domicile et permettre... à l'aidant familial de se préoccuper de faire des démarches administratives ou autres. Concernant la prise en charge de nuit, le répit repos n'est pas le dispositif approprié. Oui, d'où l'orientation vers le GIPSAP qui pourra peut-être apporter une réponse bien plus précise. À Marc Sarri, Anne-Sophie Deuch, les experts de l'aide à domicile sont sur la première. Les questions, les réactions au 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 608 335. On parle de l'aide à domicile. On peut aussi revenir sur le statut de particulier employeur. Si vous avez droit aussi au chèque emploi-service. Recruter la personne, on en parlera également. Et puis combien ça coûte, les démarches à faire. 02 62 99 2000 sur la première. Partout mis la 7 beau. Mais ça, l'école a pas couvert dessus le velcro. Escroc. Alors, le nom que donne le cerveau. Et puis, Togo y avec Saint-Jean, c'est mon ghetto. Non, ici n'a pas qu'un ciel cuit. Mi vie avec mon temps, écoute, c'est des mi fait un biscuit. L'avenir, mon pays piégé en F3. Rien n'est impossible si Mali roule en Audi A3. La vie, pour maman et la vie, triste et bonhomme. N'a ça qui rôde l'ombrage et ça que la pape y affronte. La race, les coques nena, l'amour nous crie pas ses fogues. Mais là, nous c'est papa, nous crase tous, nous ramasse pif ou après. Va arriver un jour, nous va gagner, ils sortent dans Babylone. Fait tourner son là dans nos radios, ça fait la folie qui résonne. Les gars, les highway, et n'a fait whiner, que continue à aller. On a levé, frappé, sac n'a pas main, soleil va craser, va couiller. On a levé, full fire dans le chemin, gars, y'en a brassé, en pouillé. On a levé. On a levé, dans les dents. Dans petit coton, décoffre mon quasiment. Dans petit indien comme dans le temps malisé. Puis gâte ses côtés avec le peu de macro, il veut couper le quota. Tout est le beau, mi wild tracé. Si ça pote dans le fond, aura de ma peau drapée. La boxe, la boogie prod. N'a le plus beau le monde, faut trapper en pouiller tout. C'est pas la renommée qui fait l'homme, mais la somme de ses efforts. Nos vies sont faites de plein de défauts, de plus d'un poids sur nos épaules. C'est pas la façon dont tu tombes, mais celle dont tu te relèves qui compte. Qu'importe ce que disent les autres, si les haters sont des petits cons, c'est pas la peine de rechercher sur quel mec repousser ses fautes. Y'a rien qui vaut d'avancer sereinement avec ses proches. T'as la réussite dans ton corps, c'est juste à persévérer, je pense. Quel que soit le décor, savoir toujours s'accrocher. Bon, allez, grimper, ça grimpe au moins. Soleil va craser, va conyer. On a levé, full fire dans le chemin, Gaïa en a brassé en pongé. On a levé, 99, on a levé, 99, on a levé, frappé, c'est ma pomme, soleil va craser, va conyer. Les experts de l'aide à domicile sur la première. S'il vous plaît, les experts, pour aider les auditeurs de la première, c'est comment trouver la bonne personne à Marc Sarry de Proxime Service. Voilà, on a besoin d'une aide à la maison. Comment trouver, comment recruter la personne? Eh bien, écoutez, en tant la que... bonne personne, ça c'est... Mais oui, j'entends bien, là. La bonne personne, ça c'est alors parce que les auditeurs insistent. Trouver la bonne personne. Alors, je vais vous répondre en tant que représentant de structures de services à la personne. Il faut savoir que ces mêmes structures ont des conventions et des chartes importantes et de qualité qui font qu'il y a un processus de recrutement de nos aidants à domicile, de nos aides à domicile, qui fait qu'il y a une sélection qui est faite par CV. Ensuite, des entretiens. Durant ces entretiens, il y a une grille. Durant cette grille, on va poser des questions sur le professionnalisme de la personne, ses qualités, ses qualifications, son ancienneté. Passé cet entretien de recrutement, il y a aussi, de la part de la future salariée, un engagement de sa part à une charte. La charte de l'intervention au sein de notre structure, en tout cas, le respect de la personne à qui on va intervenir. Vous insistez sur ça, hein, sur le respect de la personne. Le respect de la personne, le principe de non-discrimination, le respect des liens familiaux. Donc, tout ceci est inclus dans le contrat de travail de nos salariés, ainsi qu'un engage. Il y a aussi des clauses disciplinaires, hein, qui fait que, bien entendu, notre service va veiller à l'engagement de nos salariés dans leur travail au quotidien. Il y a toute une organisation administrative qui permet aussi de vérifier concrètement sur le terrain avec des administratifs chargés de cette mission qu'on appelle des chargés de suivi d'intervention qui vont vérifier effectivement si le travail est bien réalisé sur au domicile des particuliers. Il y a un suivi. Ces personnes sont suivies par nos ressources humaines. Elles bénéficient de tout ce qu'il faut en termes d'accompagnement et de formation parce que les structures d'aide à domicile sont pourvoyeuses de formation dans le sens où tout le monde est qualifié. Donc, pour ainsi dire, pour répondre aux préoccupations de cette personne, de notre auditrice, dans les services d'aide à la personne, on va dire que les gens qui sont recrutés sont des gens de confiance. Maintenant, si on nous sollicite, nous allons proposer une à deux intervenantes. Et c'est in fine, le bénéficiaire, oui, qui dira son dernier mot en disant « je préférerais celle-ci ». D'accord, très bien. Pression à imposer aux bénéficiaires. En clair, vous n'imposez pas, c'est ça. Vous n'imposez pas une personne, vous proposez. Voilà. C'est le bénéficiaire qui choisira in fine. Donc voilà, on a répondu à la préoccupation. Donc pas de grande menace en soi, et dès qu'il y a difficulté, quelle qu'elle soit, la structure s'engage à intervenir rapidement pour lever toute ambiguïté ou toute difficulté. Anne-Sophie Dechet, vous pouvez répondre à la question de Jean-Marie qui dit « Handicapé moteur, j'emploie un jardinier partiellement par mois en CESU, donc les chèques emploi service. Je ne le ferai pas travailler pendant 2 ou 3 mois pour cause d'hospitalisation. Est-ce que j'ai des démarches, des régularisations à faire ?» Il faut savoir que par le biais du CESU, il est possible de ne pas effectuer de contrat de travail si la personne travaille moins de 8 heures par semaine et moins de 4 semaines consécutives. Si c'est le cas, il n'y aura pas de démarche à effectuer pour ce salarié. Par contre, effectivement, comme n'importe quel salarié qui a des droits, s'il y a un contrat de travail écrit et que la personne aurait dû travailler pendant cette période, il est obligé d'assumer ses obligations et de continuer obligé à rémunérer d'accord, la personne. Eh oui. Imaginez, Un exemple parlant, s'il vous plaît. Voilà, vous venez travailler, bon là c'est une raison d'hospitalisation, ça peut être parfois des employeurs qui décident de changer leurs vacances, de partir, et puis la salariée qui vient à domicile voit porte close. Ça n'est pas de son fait, oui. Elle veut travailler, donc il faut continuer à rémunérer son salarié comme n'importe quel salarié. Vous souhaitez en savoir plus, on revient juste après l'info de 11h sur la première, c'est dans 3 minutes, on parle de l'aide à domicile, vous êtes souffrante, vous êtes à la maison, vous êtes en situation de handicap, malade, même peut-être aussi âgée, donc vous souhaitez bénéficier d'une aide à la maison, une aide pour les tâches ménagères. Alors on parle beaucoup d'aide de l'aide ménagère, mais il y a aussi autre chose, je pense à des travaux dans la cour, le jardinage, on peut parler de la cuisine. Alors, il y a aussi autre chose, parce que c'est la garde d'enfants. Mm-hmm. On n'a pas parlé de ça, mais on y reviendra aussi forcément sur la garde des enfants. 02 62 99 2000 pour toutes les réactions en direct avec les experts de l'aide à domicile. Et puis par SMS au 06 92 70 2000. Les experts de l'aide à domicile reviennent juste après l'info. Il est 11h sur la première. Joanne Adamadorassi, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Un chef de chantier comparé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. L'homme de 48 ans est accusé d'enlèvement et d'agression sexuelle sur une fillette de 5 ans. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 12 au 13 mai 2015 à Saint-André. Le quadragénaire se serait introduit dans la chambre de la fillette et l'aurait emmené ailleurs pour la violer. Interpellé peu de temps après, le prévenu a toujours nié les faits. Il affirme être victime d'un règlement de compte. Plus de précisions dans notre édition de midi avec notre envoyée sur place, Nadine Bachelot. Une quinzaine de professeurs rassemblés ce matin devant le rectorat. Parmi eux, la délégation reçue en ce moment même par le recteur Velayudom Marimoutou. Vendredi dernier, ces professeurs avaient manifesté leur mécontentement suite à leur affectation à l'extérieur de l'île, alors que des postes sont vacants à La Réunion. Certains sont encore stagiaires et aimeraient pouvoir effectuer leur année de stage à La Réunion. Où en est le projet de carrière de bois blanc après le référendum organisé par la mairie de Saint-Leu le 12 juin dernier. Un nouveau projet va faire l'objet d'une enquête publique. Cette fois, 3 commissaires enquêteurs et 2 suppléants ont été nommés. L'enquête débutera le 5 septembre et se terminera le 6 octobre. Outre Saint-Leu, les communes des Avirons et de l'Étang Salé sont aussi concernées. Elles devront se prononcer, comme la dernière fois, lors d'un conseil municipal. Le premier projet de carrière sur le site de Bois-Blanc avait reçu un avis défavorable. C'était en août 2015. Une importante campagne de consultation participative lancée le 3 août dernier. Elle a pour objectif de permettre à tous les citoyens des Outre-mer de contribuer au projet de loi Égalité réelle. Un projet destiné à réduire les écarts entre les populations des Outre-mer et celles de l'Hexagone qui concerne 2 700 000 citoyens ultramarins. La préfecture de La Réunion rappelle que vous pouvez voter jusqu'au 9 septembre sur la plateforme égalitéréelleoutremer.fr. Disneyland Paris recrute à La Réunion après avoir proposé durant ces 4 dernières années des emplois dans les secteurs de la vente et de l'hôtellerie. Le parc d'attractions situé en région parisienne recrute aujourd'hui des personnes susceptibles d'incarner les personnages des dessins animés qui font leur succès. Une audition est prévue mercredi prochain le 24 août à la Nordève à Saint-Denis en partenariat avec le Pôle emploi et le CNARM. Début des rencontres à 9h. C'est la fin de cette édition. Place à l'actualité locale, nationale et internationale avec nos confrères de France Info. L'essentiel de l'actualité, la foudre est à nouveau tombée sur Rio, l'éclair Usain Bolt qui survole le 200 mètres, mais le véritable exploit, c'est la médaille de bronze du français Christophe Lemaitre. Ça s'est joué à un cheveu. Kevin Mayer, lui, décroche une incroyable médaille d'argent sur le décathlon. La France qui compte désormais 34 médailles et qui fera mieux, c'est sûr, que les 35 des Jeux de Londres, puisque les handballeuses se sont qualifiées pour la finale olympique aux dépens des Pays-Bas. Ça ne passe pas en revanche pour les basketteuses qui n'ont pas réussi à braquer les États-Unis. 1500 campeurs sur l'île d'Oléron évacués en pleine nuit après qu'un incendie s'est déclaré, information France Bleu La Rochelle. Il y a 4 blessés légers, dont un pompier et une petite fille de 5 ans. Les dégâts matériels, en revanche, sont très importants. En Corse, le procès de la rixe de Cisco est reporté au 15 septembre prochain. C'est cette affaire qui avait envenimé la polémique sur le burkini, alors qu'il n'y a jamais eu de burkini dans cette histoire. Le tribunal administratif de Nice doit se prononcer ce matin sur la légalité d'un arrêté d'interdiction pris par le maire de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Jacqueline Sauvage ne compte pas faire appel de son maintien en détention. Ses avocates la disent épuisée de, je cite, l'acharnement judiciaire à son encontre. Condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent, elle pourrait retrouver la liberté dès 2018. Et puis un nouveau record qui inquiète. Juillet a été le plus chaud des mois de juillet depuis le début des relevés de température et c'est le 15e mois de record de suite. France Info. Il est 11h04 sur la première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. C'est un temps qui est à l'amélioration et particulièrement dans l'Est puisqu'il pleuvait cette nuit. Ailleurs et sur une grande moitié ouest, le soleil est généreux. Idem dans les cercles de Mafate et de Sillaos et nos pitons qui restent au soleil pour une bonne partie de la journée. Au cours de l'après-midi, le temps deviendra nuageux dans les plaines et dans les cirques. Du côté des plages, nuages éclaircis alterneront dans le ciel. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Avez-vous entendu parler de l'aide à domicile? Vous êtes à la recherche d'une personne pour garder vos enfants. Et si vous devenez particulier employeur, est-ce que vous connaissez ce statut? Comment faire pour avoir droit au chèque emploi-service? La personne dans le recrutement, donc comment ça se passe? On va en parler. Combien ça coûte? Les démarches à faire? Toutes les questions pratiques, nos experts sont à votre écoute. Un seul numéro de téléphone à composer, le 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 70 2000. You better familiarize yourself with me. The weather all's fine. You know there's never no waiting for the right kind of breeze. The pleasure all's mine. Always remember, communicate across memories, 'cause yesterday's gone. Time to go, don't say no more, because the tide's gone. Ooh, familiarize. Ooh, yeah, yeah. Familiarize yourself. Ooh, familiarize. Ooh, yeah, yeah. Familiarize yourself with me. Familiar face was put upon me the night I was born. My destiny, they said a star was above me in a wild storm. I'd like to know, how many songs must an angel sing before an eye's red? Don't you know I'll wait for you on a saucy bed? Ooh, familiarize. Ooh, yeah, yeah. Familiarize yourself. Ooh, familiarize. Ooh, yeah, yeah. Because the tide's calm. I say the tide's calm. Because the tide's calm. Say the tide's calm. Zéro deux soixante-deux quatre-vingt-dix-neuf deux mille pour poser les questions aux experts de la première, donc les experts de l'aide à domicile. Anne-Sophie Deuchet de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs, Amasari de Proxime Service. Alors, on parlait tout à l'heure du recrutement de la personne. Vous souhaitez rajouter autre chose, Anne-Sophie Deuchet, notamment sur cette personne qu'il faudrait pour la maison, pour l'aide à domicile, oui. Oui, Claude, c'est vrai que quand on est particulier employeur, on est tout seul. On n'a pas forcément dans sa cuisine un directeur de ressources humaines qui vous accompagne. Donc, on doit prendre les choses en main. Je conseillerais aux particuliers qui souhaitent embaucher quelqu'un quelqu'un directement ou par le biais d'un mandataire, quoique le mandataire, la structure mandataire peut proposer des salariés, comme le disait Amar Sari tout à l'heure. Donc le particulier qui est tout seul et qui souhaite embaucher, je lui conseillerais d'évaluer correctement ses besoins à la base, de déterminer ce dont il a besoin, combien de jours par semaine, combien d'heures, d'essayer de déterminer les qualités, les compétences de la personne qu'il recherche. Ah oui. Par exemple, si cette personne aussi a le permis de conduire, si elle a été formée ou non. Mais au niveau de la FEPEM, vous pouvez accompagner la personne ou pas? Oui, c'est l'une de nos missions d'accompagner. Donc, si on ne pense pas à toutes ces questions que vous êtes en train de donner, là. Oui, d'accord. Donc dès lundi prochain, les auditeurs peuvent nous contacter sur le fixe 02 62 44 06 62. Et nous avons un site internet aussi qui peut vous apporter des éléments d'information. Alors, s'il vous plaît, la question de notre auditrice qui voudrait savoir si une mère de famille a droit à une aide quelconque pour son fils qui est handicapé et qui est âgé de 34 ans. Elle voudrait une réponse, s'il vous plaît. On pourrait répondre à cette personne, Anne-Sophie Deuchet, à Marc Sari. Alors, pour vous répondre en essayant de déterminer... Juste voilà, si elle peut avoir droit à une aide, alors elle précise bien, une aide quelconque, hein, donc pour son fils qui est handicapé, qui est âgé de 34 ans. Je pense savoir que si cette personne est adulte, doit bénéficier de l'allocation adulte handicapé, donc de l'AAH, ce qui est donc versé à cette personne adulte handicapé, qui doit pourvoir à ses besoins, notamment ses dépenses régaliennes et quotidiennes. En tout état de cause, cette personne peut aussi solliciter la maison de la personne handicapée, la MDPH, pour bénéficier, si cela est accordé, la prestation, la compensation du handicap, donc la PCH, oui, pour pouvoir bénéficier d'une aide à domicile. C'est aussi possible, mais tout sera déterminé par l'équipe d'évaluation de la MDPH. Alors, je voulais savoir combien est le taux horaire actuellement. Je travaille 4 heures par jour et 2 fois par semaine. Alors, si la personne est rémunérée par le biais du CESU... Voilà, je travaille 4 heures par jour et 2 fois par semaine. C'est une question de notre auditeur. Si la personne est rémunérée par le biais du CESU, du chèque emploi service universel, le taux horaire minimum net, en incluant les congés payés, est de 8,26 € de l'heure. Voilà pour une première réponse. Après, il y a différents modes de déclaration. D'autres salariés peuvent être déclarés par le biais de ce qu'on appelle la DNS, déclaration nominative simplifiée. Ça se fait trimestriellement. Le particulier employeur, quand il s'agit de particulier employeur, s'occupe lui-même d'effectuer les déclarations et d'effectuer les fiches de paye. Et là, il y a différentes bases de calcul des cotisations. C'est un petit peu compliqué, mais il faut savoir qu'à La Réunion, en tout cas, ce mode de déclaration existe toujours pour les particuliers employeurs, c'est-à-dire que certains peuvent calculer les cotisations réelles pour qu'il y ait une meilleure protection sociale du salarié. Réunion Première est à votre écoute. Josiane de Elbourg est avec nous en direct. Bonjour Josiane. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Merci, merci bonjour. D'être là. Alors ça vous parle un peu, l'aide à domicile, Josiane? Ben oui, parce que je travaille dedans, je suis auxiliaire de vie et normalement j'emploie quelqu'un aussi pour ma mère qui est handicapée. Oui, d'accord. Enfin, c'est ma mère qui l'emploie. C'est votre maman. Parce qu'elle perçoit une allocation et donc elle emploie quelqu'un pour faire son ménage parce que comme elle est très dépendante, donc il lui faut quelqu'un là presque toute la journée. Moi je travaille en dehors. D'accord. Alors, juste un petit mot, parce qu'après, vous allez poser votre question, Josiane, c'est que la personne qui donne un coup de main à votre maman, elle est là de quelle heure à quelle heure? Normalement, de 7h à 9h. Mais c'est comme on emploie notre soeur, enfin ma soeur, donc elle reste là plus de temps. Ah, d'accord, d'accord. Là, vous parlez de 7h du matin à 9h du matin, là? Oui, oui. Ouais, ouais. Mais il faut être là pour le déjeuner et tout. Bien sûr. Donc, il faut... quelqu'un de disponible. Ouais. Et pour la nuit aussi. Oui. C'est moi qui relaye la nuit. C'est vous qui relayez. Et votre question, Josiane? Comment on emploie quelqu'un, mais on ne dit pas souvent qu'après le décès de la personne, ou si la personne ne veut plus de son employé, on ne dit jamais qu'il aura des indemnités à payer après. Donc là, vous parlez en cas de licenciement ou de décès, hein? Oui. C'est ça. et la personne ou la quelqu'un de la famille doit payer. Anne-Sophie Dechet de la FEPM, Amar Sari de Proxime Service va aussi réagir. Oui, allez-y. Oui. Allez-y. Oui, bonjour Josiane. Effectivement, en cas de décès du particulier employeur, c'est considéré comme un licenciement. Et le salarié, même si c'est un membre de la famille, a des droits. Et notamment là, il y aurait des indemnités à lui verser en termes d'indemnités de licenciement. Et ce sont les héritiers qui doivent verser cette somme. Oui. Il est important... avant d'embaucher quelqu'un, que ce soit un membre de sa famille ou pas, de connaître toutes ses obligations comme en connaissance de cause. Moi, je sais, mais il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Alors aujourd'hui, peut-être que grâce à l'émission, les personnes pourront prévoir cette somme à verser ultérieurement aux salariés. Oui, à Marc Sarri. Non, pour compléter... Attendez, Josiane. Bonjour, Josiane. Pour compléter, effectivement... Et c'est vrai que cette émission permet d'éclairer nos publics, c'est que les responsabilités de l'employeur sont importantes. Et dans ces responsabilités-là, le code du travail, les lois relatives aux successions doivent s'appliquer. Dans le cas d'un décès ou dans le cas d'un licenciement pour faute, tout salarié est protégé et en ce sens doit pouvoir bénéficier des indemnités qui lui sont dues. Et dans le cas d'un héritage, effectivement, les héritiers sont souvent très étonnés de devoir indemniser une salariée pour leurs parents. Mais le code, la loi s'applique à tous et on ne peut pas y déroger. Maintenant, pardon Josiane. Maintenant, pour ce faire, effectivement, la FEPEM informe énormément sur ces dispositifs et sur les obligations de l'employeur, comme nos structures informent énormément, notamment dans le service mandataire, où préalablement, avant toute contractualisation avec un salarié, nous rappelons les obligations de l'employeur et donc les conséquences inhérentes suite à un décès, qui malheureusement est quelque chose qui est envisageable, mais également suite à des licenciements. Je peux vous garantir que les licenciements pour faute ou pour désaccord entre particuliers, employeurs ou et salariés sont très récurrents et que les particuliers employeurs doivent souvent réfléchir avant tout au traitement. Mais ils ne sont pas très informés, les personnes âgées ne sont pas très informées, parce que si elles perçoivent l'APA, elles prennent quelqu'un comme ça, et après, elles pensent que c'est fini, mais après, elles tombent de haut quand C'est l'après, oui. Anne-Sophie Dechet. Oui, nous avons il existe à La Réunion donc la FEPEM et un relais particulier emploi qui peut vous informer. C'est un lieu physique dans lequel vous pouvez venir. Donc sur Saint-Paul, il est basé au 237 Chaussée Royale. Il y a d'autres antennes qui existent. Une au Tampon, au cœur du CCAS du Tampon. Donc ça s'appelle un point relais particulier emploi. Et d'autres vont naître prochainement, avec notamment un projet que nous allons créer avec Proxime Service, des points relais qui vont naître à Saint-Denis, dans l'Est et dans le sud de l'île aussi. Donc ce seront des lieux où vous pourrez trouver l'information. Et j'invite tous les auditeurs qui souhaitent devenir particulier employeur en amont, de s'informer et pour s'engager dans cette relation de travail en toute connaissance de cause. Josiane, autre chose ? C'est bon, mais comment pour la question des congés payés aussi, les personnes ne sont pas trop informées. On disait ça tout à l'heure, vous savez, c'est sûr. Non, c'est pas ça. Non, on disait que forcément, enfin, sur les droits, on n'est pas bien au courant. Ça, c'est vrai. Congé payé, Josiane. Oui, parce que le salaire, le congé est compris dedans, mais certains employés ne le savent pas. Soit ne savent pas, n'entendent pas, je sais pas. Des fois, le salaire, quand on déclare par le biais du CESU, chèque emploi service universel, les congés payés sont inclus. Oui. C'est pour ça que le taux horaire est plus important. On paye 8,26 € de l'heure nette avec les congés payés inclus. Par contre, il y a d'autres modes de déclaration où on n'inclut pas les congés payés. C'est le cas notamment des salariés qui sont payés qui sont déclarés par le biais de la déclaration nominative simplifiée. Et à ce moment-là, l'employeur ou la structure doivent calculer les congés payés. Donc, chaque salarié acquiert 2,5 jours de congés ouvrables par mois. Un jour ouvrable, Josiane, c'est tous les jours de la semaine, sauf les jours fériés et les jours de repos hebdomadaires, le dimanche par exemple. Oui, C'est bon, mais moi je sais bien parce que je suis dedans, mais bien beaucoup de personnes ne savent pas. Mais c'est bien de le dire que vous êtes bien au courant et que d'autres ont besoin d'en savoir un peu plus. Josiane, merci beaucoup. Merci à vous et merci pour votre émission, ça nous éclaire beaucoup. Ah bah merci aux experts, hein. C'est le but, hein. Les experts de l'aide à domicile. Merci, à très bientôt, bon week-end à vous Josiane. Merci, de même, au revoir. Au revoir. Au revoir. Acoustique Réunion, c'est chaque samedi, 18h-19h sur la première. Ce samedi, la chanteuse réunionnaise Tess se dévoilera en interview et en live avec 5 titres acoustiques. Your eyes get me inside. Tess, en toute intimité, ce samedi, 18h-19h. Avec David, sur Réunion Première. For your love burns me out, burns me all. Première. Première. Il vous reste très peu de temps pour contacter Mathias au 02 62 99 2000. Nous sommes en compagnie des experts de l'aide à domicile pour en savoir plus sur les démarches à faire, le recrutement de la personne, combien ça coûte. C'est maintenant sur la première et également par SMS au 06 92 70 2000. Yeah! Magic System! Hommage à Alpha Blondie! Sweet, sweet! Fanta Diallo, sweet, sweet. Oh, oh. Tu vas pas marcher à l'envers. Ah ouais. T'as besoin de lumière. Magic System sur la première. Direction le chef-lieu, c'est Marie qui est avec nous. Marie, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente les experts de l'aide à domicile. C'est Anne-Sophie Deuchet de la FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs, et Amar Sari de Proxim Service. Allez-y, Marie. Alors moi je travaille chez, enfin je travaillais chez trois employeurs particuliers, mais pas forcément pour des personnes, comment faut dire, à mobilité réduite et tout, hein, donc voilà. Et j'aimerais, en ce moment je travaille seulement pour une seule personne parce que j'ai démissionné pour les deux autres. Hein. J'aimerais savoir pour les jours, je suis payée par CESU, hein, excusez-moi. Chaque emploi service. Oui voilà, chaque emploi. Oui, c'est ça. Voilà. Mais Marie, prenez votre temps, on n'est pas pressé, prenez votre temps. Voilà, allez-y. Oui, donc je travaille 3 heures par jour pour cette personne-là, et j'aimerais savoir si le jour que je travaille tombe un jour férié, je ne devrais pas être payée, c'est bien ça ou... Comme par exemple lundi qui était férié, c'est ça? Vous avez travaillé ou pas? Alors, je n'ai pas travaillé, non. Vous n'avez pas travaillé le lundi 15? Oui, non. D'accord. Mais ça, c'est arrivé dans le passé que vous étiez là un jour férié? Oui. Oui. Et donc, votre question est très importante, Anne-Sophie Deuchet. Oui, bonjour Marie. Effectivement, pour certains jours fériés, ne sont... Vous les distinguez en fait des jours fériés ordinaires et du 1er mai. Oui. Pour le 1er mai, s'il n'est pas travaillé, s'il tombe un jour habituellement travaillé, le fait que le salarié n'effectue pas le travail le 1er mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération. Mm-hmm. Dès lors, si son salaire est mensualisé, l'employeur maintient son salaire normalement. Si ce jour-là du 1er mai est travaillé, le salarié donc travaille le 1er mai, il doit être payé double avec une majoration de 100%. Même pour le CESU? Ah oui? Oui. Oui, c'est un mode de déclaration. Oui, oui. Mais effectivement, ces règles-là s'appliquent aussi. D'accord. Et donc, voilà, vous avez aussi les jours fériés ordinaires. Pour les salariés du particulier employeur de l'île de la Réunion, les jours fériés légaux sont chômés. Ce chômage ne peut donner lieu à réduction de salaire, quelle que soit l'ancienneté du salarié. Pour tout travail effectué exceptionnellement à la demande de l'employeur un jour férié, cela donne droit à une rémunération ou à une récupération majorée de 25%. C'est un peu compliqué. Comment ça? Alors attendez, non, j'aime pas quand vous dites que c'est compliqué. Dites-nous qu'est-ce qui ne va pas. Disons que pour le 1er mai, je me suis un petit peu bataillée pour ça, hein, parce que normalement, on ne me payait pas si ça tombait le jour que je devais travailler. Oui. Et puis l'année dernière, je me suis un petit peu bagarrée, j'ai posé la question au CESU qui a dit qu'effectivement, le 1er mai, si c'est un jour qui tombe le jour que je travaille, ça doit être rémunéré. Donc on a été d'accord là-dessus. Hein. D'accord. Et après, ben, les autres jours, effectivement, ben si... ça tombe le jour que je travaille et c'est férié, je ne suis pas payée, ben, je suis d'accord, enfin, c'est comme ça. Et... ben, je... Non. Donc, du coup, vous avez l'impression qu'on n'a pas respecté vos droits, un peu, c'est ça? Je ne sais pas. Non, vous ne savez pas trop, là. Vous êtes bien embêtée. Anne-Sophie Deuchet. Mais il faut, je pense, dialoguer avec votre employeur. Parce que des fois, solution, les particuliers ne sont pas forcément bien informés. Invitez-le à nous contacter à la FEPEM, hein, donc au 02 62 44 06 62. Puis en ce moment, il peut devenir membre de la FEPEM gratuitement. Donc ça lui donnera accès à des modèles de documents, à des fiches pratiques, à vraiment à des conseils personnalisés. Qu'il n'hésite pas à nous contacter. Et pour les congés, tout à l'heure, j'ai entendu dire que... Mais comme je vous dis, c'est une personne que je travaille en ce moment, mais qui n'est pas handicapée, tout ça, hein. Oui. Voilà, c'est une personne âgée, mais après, je sais pas... sais que je suis payée par le CESU, et après, j'en sais pas plus. Je sais pas si elle a une réduction et tout. Oui. Mais là, j'aimerais savoir, mais quand elle va en vacances, elle, ben, même si elle va pour un mois... Je travaille 3 heures par semaine. Par semaine. Un seul jour. Donc, quand elle va en vacances, moi, elle ne me déclare pas non plus. Et est-ce que j'ai droit à une rémunération ou non quand elle part? Alors Marie, est-ce que vous avez signé un contrat de travail ? Malheureusement, je n'ai aucun contrat. Bon, c'est vrai que nous préconisons la rédaction d'un contrat de travail écrit, et ça permet de poser le cadre, comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise, ni pour l'un, ni pour l'autre. Donc là, en l'occurrence, il va falloir quand même ouvrir le dialogue avec votre employeur, et puis savoir un petit peu si vous pouvez caler, vous, vos vacances avec les siennes, mais en tout état de cause, quand votre employeur part en vacances et que ça n'a pas été déterminé, il devrait continuer à vous rémunérer. D'accord. Et moi-même, je prends assez rarement des congés aussi, mais parce que finalement, c'est vrai qu'on est payé 10%, je prends des congés, je ne suis pas payée. Là-dessus, c'est certain. Mais j'en prends rarement aussi. Hein. C'est seulement quand je voyage, je vais à l'extérieur, ou alors exceptionnellement, quand j'ai un rendez-vous, je prends et je considère ça comme une journée de congé. Marie, il faut distinguer quand même les congés payés et les congés pris. Dans le cadre du CESU, du chèque emploi service universel, quand vous êtes rémunéré 8,28 euros net de l'heure, si c'est votre montant, mais ça c'est le minimum à être de rémunération, les congés payés sont inclus. C'est-à-dire que quand vous allez poser vos congés, vous ne serez pas rémunéré. Oui, ça je sais. D'accord. Oui. Donc, c'est parce que tout à l'heure, j'ai l'impression que je vous ai répondu à côté. Hein. Effectivement, quand vous êtes payé par CESU, les congés payés sont inclus. Donc, quand vous posez vos congés, c'est normal que vous ne soyez pas rémunéré pendant cette période. Par contre, vous avez obligation de prendre vos congés payés. Marie, on a vos coordonnées téléphoniques. Je vais les transmettre à la FEPEM parce que ça mérite qu'on aille beaucoup plus loin. Parce que c'est important, mais c'est important aussi pour vous et pour votre employeur, d'accord ? Merci, je vous remercie beaucoup pour les réponses données. Merci d'avoir été avec nous, surtout, et vous restez là jusqu'à la fin. Oui, bien sûr, c'est important et c'est intéressant. Non, et on fait un petit résumé juste après Ségaël sur la première, puis on parlera aussi de la garde d'enfants, s'il vous plaît. Pourquoi on est toujours dans le débat? l'un des grands succès de Seguel. À l'instant sur la première, tu as changé. Les experts de l'aide à domicile, avant de faire un petit résumé, le bilan aussi de tout ce qui s'est dit ce matin, Dominique de Saint-Leu qui demande comment on rembourse l'État après avoir eu droit à l'APA, donc après le décès de la personne. Donc c'est l'allocation personnalisée d'autonomie, hein, c'est ça. Ouais. Alors je vais répondre à Marc Sarri. Très clairement, donc l'APA est versée par le conseil départemental et non pas par l'État. Hein. C'est important de rectifier cette information. Et deuxièmement, le conseil départemental a pris une délibération lors d'une assemblée plénière qui stipulait qu'en aucun cas l'APA était redevable au conseil départemental sur l'héritage, quel qu'il soit, hein, suite au décès malheureux du bénéficiaire. Donc je tiens à rassurer cette personne qui a posé cette question, il n'y aura pas à rembourser l'APA au conseil départemental car le département a pris cette délibération. C'est exclusif, il n'y a que le département de La Réunion qui le fait. Donc j'invite les personnes à ne pas craindre de solliciter l'APA s'ils en ont vraiment grand besoin, qu'ils n'aient pas crainte d'en prendre sur leur héritage, leur bien, quel qu'il soit. Hein. C'est souvent ce qui fait craindre les personnes. Donc j'espère avoir répondu à cette personne. Merci pour l'information. Alors juste parce qu'on a beaucoup parlé de l'aide à domicile, notamment pour les personnes âgées, les personnes malades et donc en situation de handicap. Qu'en est-il pour la garde d'enfants ? Alors pour la garde d'enfants, il faut savoir que les structures doivent bénéficier d'une habilitation, donc d'un agrément pour pouvoir garder les enfants de moins de 3 ans, donc on parle des tout-petits, et que les structures d'aide à domicile peuvent proposer des personnes qualifiées en CAP petite enfance et auxiliaires de vie sociale au domicile des particuliers, quels qu'ils soient, pour garder leurs enfants. Donc au-delà du simple... je veux dire, rôle de gardiennage, on est plutôt dans le relais pédagogique, dans l'éveil, dans la prise en charge, bien l'éveil sûr, des besoins de l'enfant. Oui. On n'est pas simplement là à changer les couches, on est bien au-delà de la mission qui est la nôtre. J'invite donc toute personne à se rapprocher de nos structures pour pouvoir bénéficier de cette prestation qui peut être prise en charge en partie par la prestation d'aide aux jeunes enfants de la Caisse d'allocation familiale, donc la PAJE. Et pour les particuliers employeurs, j'invite Anne-Sophie à rajouter que tout particulier employeur peut aussi recruter une nounou. Hein, bien sûr, Anne-Sophie Deschet. Complètement, une garde d'enfants à domicile peut être recrutée par un particulier employeur, tout comme les assistants maternels agréés. Donc là, le domicile, le lieu de travail, c'est le domicile de l'assistante maternelle, mais ça entre bien dans les champs de l'emploi à domicile. Merci beaucoup, merci vraiment, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin pour parler de cette aide à domicile. Énormément de réactions de la part de nos auditeurs, pardon. Vous reviendrez, Anne-Sophie Deschet de la FEBEM, la Fédération des particuliers employeurs, et également donc à Marc Sarri de Proxime Service. À très bientôt. À très bientôt, merci. À très bientôt, merci. Au revoir. Killer whale, sing me to sleep. that I said. I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build the ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? Parfois j'en veux au monde, je te cache pas, j'ai la haine. J'ai envie de rester tout seul dans mon clavier AMG. Succès, l'argent, les femmes, tout ça fait tourner la tête. J'aurais pu me perdre, j'aurais pu prendre perpète sur un coup de tête. Parfois c'est triste et parfois c'est noir, mais à battre sans péril, on triomphe sans gloire. Papa t'a bossé toute ta vie pour un salaire de misère. Plus d'eau chaude, on se douchait à l'eau froide, même en plein hiver. Rôler dès son truc, elle m'a bien éduqué. Boubou, pas de loup-boule, le paradis sous ses pieds. Concert à gauche, à droite, de la Clio, Carrera. Un seul regret ici-bas, maman n'a pas eu sa villa. Si chère, si belle, tu n'as jamais baissé les bras. Et j'avoue que c'est dur sans toi, sans ta voix, sans ta voix. Mais depuis le ciel, tu es chaque seconde avec moi. Est-ce que je te rends fière et belle? Oh maman, oh maman, oh. Toujours un grec complet dans ma belle gaube. Je suis pas un nouveau riche, je suis un ancien pauvre. On connaît mon nom, j'ai pris du poids comme Maria Carré. J'ai trop tourné en rond, j'ai mérité de m'asseoir au carré. Du bout des doigts, toucher tous mes rêves. Mauvais élève, marche ou crève, du sang sur le glaive. Argent qui dort, disque d'or, disque de platine. Aucun remords à part que mon Panamera patine. Petit fouini est dans l'impasse, le temps passe. Seul au fond de la classe, je rêvais de m'asseoir en première classe. Concert à droite à gauche de la Clio Carrera. Un seul regret ici pas, maman n'a pas eu sa villa. Pierre si belle, tu n'as jamais baissé les bras. Et j'avoue que c'est dur sans toi, sans ta voix, sans ta voix. Mais depuis le ciel, tu es chaque seconde avec moi. Est-ce que je te rends fière et belle? Oh maman, oh maman. Quand c'est perdu d'avance dès le départ, il y a ceux qui ne refusent pas d'y croire. Elle rentrait fatiguée tard le soir. Elle est mon modèle, elle est ma gloire. Quand c'est perdu d'avance dès le départ, il y a ceux qui ne refusent pas d'y croire. Elle rentrait fatiguée tard le soir. Elle est mon modèle, elle est ma gloire. Si fière, si belle, tu n'as jamais baissé les bras. Et j'avoue que c'est dur sans toi, sans ta voix, sans ta voix. Mais depuis le ciel, tu es chaque seconde avec moi. Est-ce que je te rends fière et belle? Oh maman, oh maman. Si fière, si belle, tu n'as jamais baissé les bras. Et j'avoue que c'est dur sans toi, sans ta voix, sans ta voix. Mais depuis le ciel, tu es chaque seconde avec moi. Est-ce que je te rends fière et belle? Oh maman, oh maman. La Fouine, sans ta voix sur la première, dans un peu plus de 10 minutes, le journal de la première. Émilie Ivara, juste après les communiqués sur la première. De mon côté, ok, qu'elle est gros, mais pour m'a ramassé. Les années passées ressemblent, dommage de n'est toujours pas ensemble. Mille veilles sur vous, mais de loin elle est pas facile. Je crois mal et pas fragile. M'imagine mal et dans nos bras. Passe la nuit dans le même drap. Demain, peut-être qu'elle va arriver. On va faire ce premier. Il est midi moins 10 sur la première. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Madame Waro-Nekadeh Joséphine Ghislain. Madame Waro-Nekadeh Joséphine Ghislain, décès survenu le 18 août à l'âge de 90 ans. La veillée a lieu au Centre Funéraire Sud. La bénédiction, la date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Madame, décès de Madame Mouniapin, née Coindin Amélie. Madame Mouniapin, née Coindin Amélie, décès survenu le 19 août à l'âge de 93 ans. Le convoi sortira de son domicile au 49 chemin Palmier à Bois d'Olive, donc demain, samedi 20 août. Décès de Madame Laderval, née Nourrie Marie-Thérèse. Madame Laderval, née Nourrie Marie-Thérèse, domiciliée au numéro 52 chemin Baptiste, à Cambourg, à Sainte-Anne, décès survenu le 18 août à l'âge de 79 ans. Le convoi mortuaire sortira de la salle franc d'essai de Saint-Benoît aujourd'hui à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église de l'évêché à Saint-Benoît à 16h, l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Madame Waraud, Marie-Gilberte, née Célemont. Madame Waraud, Marie-Gilberte, née Célemont, décès survenu le 17 août à l'âge de 64 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 35 rue Ferdinand Aubert à Saint-Benoît. Demain, samedi, donc 20 août à 13h15, la bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît à 13h45, l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Madame Sorlier, Marie-Élisabeth. Madame Sorlier, Marie-Élisabeth, décès survenu le 18 août à l'âge de 93 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 61, rue Vanneuil, barrage à la Saline Léo. Aujourd'hui à 13h15, la bénédiction se fera en l'église de Sainte-Thérèse d'Avila de la Saline à 14h, suivi de l'inhumation au cimetière de la Saline Léo. Décès de Monsieur Poudroux Joseph Lucot. Monsieur Poudroux Joseph Lucot, décès survenu le 18 août à l'âge de 70 ans. Le convoi sortira aujourd'hui à 14h30 au 10 rue Éliard Teixeira à Palmiste Rouge à Sillaos. La bénédiction aura lieu à 15h en l'église de Sillaos, l'inhumation cimetière de Sillaos. Décès de Madame Veuve Alamel Nécoutel Marie Eugénie. Madame Veuve Alamel Nécoutel Marie Eugénie, domicilié au numéro 90 rue Cité Chepac Ting, c'est à la rivière des Roches à Saint-Benoît, et c'est survenu le 18 août à l'âge de 90 ans. Le convoi sortira de la maison funéraire de Saint-Benoît aujourd'hui à 16h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît à 17h, l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Madame Félicie Bernadette née Racine. Madame Félicie Bernadette née Racine, décès survenu le 17 août à l'âge de 95 ans. La veillée se tient au centre funéraire sud. À partir d'aujourd'hui, donc à 15h, la bénédiction aura lieu en l'église du Bon Pasteur à 15h demain, samedi. L'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Monsieur Sadeyen Vidiane Octave Didiane. Monsieur Sadeyen Vidiane Octave Didiane, décès survenu dimanche 14 août à l'âge de 63 ans. Le recueillement avec une cérémonie tamoule est prévu à son arrivée au centre funéraire de Prima demain à partir de 9h30. Le convoi sortira à 15h du centre funéraire de Prima pour l'inhumation au cimetière de Villèle, Saint-Gilles-Léo. Décès de Monsieur Boissier Auguste Marcel Lucien, ancien maire de la Plaine des Palmistes. Monsieur Boissier Auguste Marcel Lucien, décès survenu le 19 août à l'âge de 93 ans. Le convoi sortira de son domicile au 474 rue de la République à la Plaine des Palmistes. Décès de Monsieur Danton André, décès survenu le 18 août à l'âge de 65 ans. Le convoi sortira de son domicile au 28 cité Laurent Vergès à Sainte-Suzanne. La bénédiction aura lieu en l'église de Bagatelle, l'inhumation au cimetière de Sainte-Marie. Décès de Madame Veuve Suzanne Névendôme-Antoinette. Madame Veuve Suzanne Névendôme-Antoinette, décès survenu le 18 août à l'âge de 86 ans à Boisneuf-le-Saint-Paul. Le convoi sortira au 27 chemin Le Breton en gare à Boisneuf-le-Saint-Paul. La bénédiction aura lieu en l'église de Boisneuf-le-Saint-Paul à 15h30, suivi de l'inhumation au cimetière de Boisneuf-le-Saint-Paul. Décès de Madame Chevalier Marie-Julienne. Madame Chevalier Marie-Julienne, décès survenu le 17 août à l'âge de 93 ans. La veillée se fait au centre funéraire de Bois-Rouge. Le convoi mortier sortira du centre de Bois-Rouge demain, samedi 20. La bénédiction se fera à la chapelle du centre funéraire de Bois-Rouge à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-André. Décès de Madame Aline Pipouine née à Chong. Madame Aline Pipouine née à Chong, décès survenu à l'âge de 80 ans, domicilié au 29 rue Alexis de Villeneuve à Saint-Denis. La veillée se fait au centre funéraire de la commune Prima à partir d'aujourd'hui, à midi. La bénédiction aura lieu demain à 14h, demain samedi, donc à la chapelle funéraire de Prima, suivie de l'inhumation crématorium de la commune Prima. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Runi Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Joel sur la première. Bon appétit à tous, très bon week-end. Il est midi. Le journal de la première, Joanne Adamadorassi, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. 5 ans de prison avec maintien en détention. Le jugement vient juste de tomber pour le chef de chantier de 48 ans, accusé d'enlèvement et d'agression sexuelle sur une fillette de 5 ans. Plus de précisions dans ce journal. Des professeurs reçus par le recteur de l'Académie de la Réunion ce matin en cause leur affectation en métropole alors que des postes ne sont pas attribués à la Réunion. Vague de recrutement de Disneyland Paris sur notre île. Cette fois, l'entreprise recherche des reines des neiges, Cendrillon ou autres princes charmants. Des auditions sont prévues mercredi prochain. Et puis on parlera aussi des vocations suscitées par les performances des sportifs actuellement à l'affiche au JO de Rio. Un homme de 48 ans condamné à 5 ans de prison avec maintien en détention. Il a été jugé coupable de l'enlèvement et de l'agression sexuelle d'une fillette de 5 ans. Des faits qui se sont déroulés en mai 2015 à Saint-André. Le quadragénaire, un proche de la famille de la jeune victime, se serait introduit dans sa chambre et l'aurait emmené pour la violer. Interpellé peu de temps après les faits, il a toujours nié. Mais l'homme n'est pas le seul à avoir été condamné. Ce matin, la mère de la jeune victime a écopé de 6 mois de prison avec sursis. Nadine Bachelot, vous êtes au tribunal correctionnel où le procès vient de s'achever. Oui, l'homme de 48 ans qui avait toujours nié les faits est retourné à Domingo. Le tribunal a été au-delà, un petit peu au-delà du réquisitoire du ministère public, Christophe Golaouen, qui lui avait requis 4 ans de prison. L'audience s'est tenue à huis clos. La mère de la jeune victime comparaissait également pour non-dénonciation. Proche